Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Robert Capa, le célèbre photographe de guerre. La légende, elle a d'abord la fulgurance. C'est-à-dire qu'en quelques mois, il est reconnu mondialement. Alors ça, c'est quand même d'une très grande modernité. Et la dernière raison, c'est le fait qu'il meurt relativement jeune. C'est l'artiste qui meurt sur la scène, quoi. Donc, tous les ingrédients d'un mythe sont rassemblés. L'historienne Françoise Denoyelle, à l'émission de France Culture « Une vie, une œuvre » en avril 2012, tout était en effet réuni pour faire de Robert Capa la légende qu'il va devenir. Mais au fil du temps, la légende et le mythe Capa seront bientôt ternis par une série de révélations qui remettent en cause son intégrité. Capa a-t-il mis en scène sa célèbre photo du soldat républicain espagnol en 1936, le cliché qu'il a fait connaître au monde entier? Autre interrogation sur la légende des photos perdues lors du débarquement de 1944. La légende veut qu'une centaine de photos de Capa aient été par inadvertance brûlées lors de leur développement en laboratoire. Et si Capa n'avait en réalité fait qu'une dizaine de photos, celles qu'on connaît, plutôt que la centaine dont parle la légende le jour du débarquement, avant de prendre ses jambes à son cou pour tout simplement fuir au plus vite cette plage d'Omaha. Belle gueule, regard noir et sourire charmeur, le Capa intime se dévoile. Intime et méconnu comme ses premiers clichés de photoreporteurs au pèlerinage de Lisieux. Déjà un œil, déjà cette proximité qui sera sa marque de fabrique. En 1936, le petit immigré hongrois s'invente un nom à l'américaine, Robert Capa. Mais 36, c'est surtout la guerre d'Espagne qui le révèle. Capa met son appareil au service de la cause républicaine. Cette photo du milicien frappé par une balle fait de lui un mythe, photo icône, mais photo contestée, mise en scène ou pas, le doute ne sera jamais levé. Faire tenir la crédibilité de Capa à l'authenticité de cette photo, ça n'a pas de sens. La guerre d'Espagne est une guerre de propagande. Et quand bien même il aurait mis cette photo en scène, la belle importance. Il n'empêche que c'est un homme d'un courage inouï, toute sa vie et même sa mort le prouvent. Le 6 juin 1944, Robert Capa fait partie de la première vague du débarquement sur Omaha Beach. Il ne reste que 11 clichés de ce jour historique, les autres ont été détruits par une erreur de laboratoire. De l'Europe à l'Indochine, la guerre ne quittera jamais Capa. Partout, il est au cœur des combats, partout la même compassion pour les soldats et les populations victimes. Ce que je préfère retenir chez Capa, c'est son humanisme profond. Dans chaque document, transparaît son amour immense du genre humain. C'est quelqu'un qui a une empathie réelle pour ses semblables, pour les femmes, les hommes, les enfants. Extrait d'un reportage de Valérie Houard, diffusé à la télé française en octobre 2004, au moment de la présentation à Paris de l'exposition Capa, connu et inconnu. Pour tenter de départager le mythe de la réalité quand on parle de Robert Capa, je reçois Vincent Lavoie, professeur au département d'histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal et auteur du livre L'affaire Capa, le procès d'une icône. Vincent Lavoie, bonjour. Bonjour. D'abord, quelle place, on va revenir sur ces controverses qui vont accompagner notre bon ami Robert Capa un peu plus tard dans l'émission, mais la place qu'il occupe d'abord dans l'histoire du photojournalisme, pour vous? Elle est majeure. Elle est majeure, entre autres, à cause du mythe qui était construit autour du personnage, mais aussi en raison de ses réalisations. Capa, c'est 5 guerres couvertes, c'est 20 ans de carrière réalisée en plein âge d'or du photojournalisme, donc à une période de forte émergence de la presse illustrée. C'est d'une vie tumultueuse qui est brutalement interrompue le 25 mai 1954 par une mélancolie personnelle. Ouais. Donc effectivement, comme on l'a entendu dans l'extrait, les ingrédients sont là pour constituer, pour forger un mythe puissant. Donc c'est une figure emblématique du photojournalisme moderne à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'il va imposer une manière de montrer les images dans la presse illustrée, c'est-à-dire en privilégiant non pas des images uniques, mais des séquences, oui, de manière à ce que l'actualité soit racontée par l'image. Donc ça, véritablement, c'est pas le seul à le faire, mais il va véritablement l'imposer. Il va rédiger lui-même les légendes, ce qui n'était pas le cas. C'était habituellement une tâche qui était confiée au rédacteur. Donc, ouais. Il va vouloir maîtriser le sens de ces séries en écrivant lui-même sur ces images. Il réfléchit. Il capte des moments, mais il réfléchit sur ce que doit être la photo. Il va écrire au moins un bouquin sur la photo. Exactement. Il va écrire en 1947 une sorte d'autobiographie romancée qui s'appelle Slightly Out of Focus, ouais. qui devait être finalement le script, donner lieu à le script d'une biographie tournée à Hollywood sur sa propre vie. Ça donne aussi des indications sur le caractère un peu fantasque du personnage et sur la conception qu'il avait de lui-même, ouais. comme d'une grande star. Ça, c'est intéressant parce que ce mythe, évidemment, tout est là. On y revient à l'extrait qu'on entendait. Vous l'évoquez vous-même de Françoise de Noyelle. Une fulgurance dans l'émergence du bonhomme. Une série de photos à la guerre d'Espagne en 1936 qui fait de lui une vedette internationale. Une mort tragique sur le front à un âge très, très jeune. Mais un sacré instinct, une modernité dans l'autopromotion de ce mythe qu'il va incarner. Absolument. Il est très conscient de ça. Il construit son mythe. Il est parfaitement conscient. C'est-à-dire, il a 23 ans. Il va en Espagne parce qu'il a le sentiment qu'il pourra produire des images fortes. Or, il s'y rend et il est déçu parce qu'il n'y a pas de combat. Ça fait partie d'ailleurs des éléments qui sont à mettre, je dirais, dans le dossier des doutes ouais. qu'a pu susciter l'image de Capa. Il a besoin d'images fortes. Ouais. Il est jeune, il veut les vendre, il est en pleine ascension. Il vient tout juste d'inventer son nom. Donc, un nom qui claque, un nom qui se prononce. Robert Capa. Qui se prononce dans toutes les langues. Et c'est parce qu'il est hongrois à l'origine. Il est hongrois à l'origine, exactement. Et c'est un nom qui lui aura permis de hausser ses tarifs parce qu'il a inventé donc une figure qui n'était pas lui-même. C'est-à-dire, ouais. Robert Capa était un photographe soi-disant américain qui pratiquait des tarifs très, très élevés parce qu'il était prestigieux. Il s'est fait passer pour cette personne qui n'existe pas. Ouais. Donc, il y a une mythification de sa personne dès le tout début de sa carrière. Ouais. Et ça va marcher, ça va être vraiment un des grands noms de la photographie au 20e siècle, mais il y en a d'autres. Dans ce qu'on appelle la tradition de l'école humaniste en photographie, Robert Doisneau, Willy Ronis, Henri Cartier-Bresson, comment on peut le comparer, Robert Capa, à ces autres grands de la photo dite humaniste? Il y a une phrase célèbre qui est souvent citée à propos des images de Capa. Il disait « Si vos photographies ne sont pas réussies, c'est que vous n'étiez pas assez près. » Ouais. Donc, ce rapport à la proximité, on peut l'entendre de diverses manières. Une proximité, on veut dire physique, donc une sorte d'être près du sujet. Mais aussi une proximité qui peut être empathique, c'est-à-dire donc d'entrer en relation avec les gens qu'il photographie. Pour lui, photographier la guerre, c'est beaucoup photographier la souffrance des autres. Ouais. On lui connaît des images célèbres. Donc, on lit la guerre sur le visage des réfugiés, par ouais. exemple, s'il s'agit de la guerre d'Espagne. Et on peut comprendre la guerre, autrement dit, sans être sur le front pour autant. Il a une approche, il veut cerner l'esprit du temps, le climat ambiant. On poursuit sur cette idée-là en écoutant l'animateur François Renaud qui parle de l'importance de cette série qui va le faire découvrir au monde, cette série de photos qu'il va réaliser pendant la guerre d'Espagne. Extrait de l'émission L'Aventure en 93. Vous allez voir, François Renaud nous parle justement de ce que vous identifiez déjà, Vincent Lavoie, cette approche qu'il a. Cette série de photos de 36, ça nous en dit beaucoup sur son talent, sur son style. Tout le monde vante le nouveau style, le nouveau langage photographique que Capa vient en quelque sorte d'inventer. Bon, il faut se rappeler qu'à l'époque, le reportage que Capa vient de faire en Espagne arrive à un moment où, dans la presse, on n'a pas l'habitude de voir des photographies de combat. Jusqu'à cette époque, les photographes travaillaient avec des appareils beaucoup trop gros, avec des objectifs qui n'étaient pas assez lumineux, avec des films qui étaient lents. C'était impossible, techniquement, de vraiment faire de la photographie d'action et de très près. Mais non seulement est-ce qu'il réussit à photographier de l'action, mais son talent dépasse celui d'un simple témoin. C'est-à-dire que dans les cas, par exemple, comme à Madrid, où les gens faisaient des barricades, et dans ce genre de circonstances où il n'y a pas d'action, Capa va réussir à, en fait, photographier l'énorme émotion qu'est la guerre. Et il va réussir à faire ça en photographiant des visages d'enfants, des visages de femmes, en photographiant, en fait, toute l'émotion qui est à la périphérie de la guerre. Et ça, c'est un des aspects que vont souligner les gens qui achètent ces photographies. Ils se rendent compte tout à coup qu'ils ont affaire là à un type qui parle un langage photographique inné. Alors ça, ça rejoint, on parlait d'autres grands photographes humanistes, Vincent Lavoie, Winnie Ronis. En fait, la traque, entre guillemets, mais de l'âme humaine, de l'émotion humaine, c'est là où Capa, qu'il soit à la guerre d'Espagne en 36 ou dans les rues de Paris, peu importe, où ce côté humaniste, il est toujours là. Oui, il est toujours là. Et ce qui est très intéressant dans l'extrait qui a été diffusé, c'est cette idée que la guerre, photographier la guerre, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est photographier les combats? Est-ce que c'est photographier des batailles? En photographie, c'est beaucoup photographier la périphérie de la guerre, ouais. C'est-à-dire la vie ordinaire, la peur des civils, les mouvements de troupes, l'attente. C'est ça qui constitue essentiellement le répertoire visuel de la guerre en photographie. Et en ce sens, Capa est passé maître dans la représentation de ces moments. Il va pas rechigner à photographier des sujets, même s'ils apparaîtront un peu flous, oui. Par exemple. Parce que le flou sera l'indicatif ou l'indication d'une sorte de proximité, d'un rapport rapide aux événements. Il utilise effectivement des petits appareils qui permettent de réagir rapidement aux événements. Donc ça fait partie de la signature Capa. C'est une signature que d'autres photographes, comme vous l'avez signalé, vont emprunter. Mais Capa a poussé cette dimension très loin. Être au bon endroit au bon moment. Et cette volonté, on le disait, il réfléchit, Capa. Il photographie, mais il réfléchit, il sait ce qu'il veut faire. Et il y a cette volonté de documenter un temps précis, un état d'esprit précis. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il a, il préfigure d'une certaine manière un récit photographique. Donc, il essaie véritablement de trouver une formulation qui est intéressante. C'est comme tout photographe, c'est quelqu'un qui travaille à partir de planches contact, d'extraits. Donc, il va éditer, sûr, par la suite, ces images. C'est pas toujours lui qui va le faire d'ailleurs. Il va envoyer ses pellicules aux éditeurs qui, eux, vont éditer et choisir. Donc, dans ce domaine-là, le domaine du photoreportage, il faut se rappeler que le photographe est un des maillons d'une chaîne. Et c'est notre époque, il est très, très loin. C'est de la bonne vieille pellicule. Il envoie ça par la poste, par courrier. C'est développé à des centaines, milliers de kilomètres plus loin. On revient sur cette fameuse série de photos qu'il va faire à la guerre civile espagnole. Et à cette photo, la photo qui va le rendre célèbre de par le monde entier, la photo du soldat républicain, on écoute Robert Capa lui-même parler des circonstances dans lesquelles il va réaliser cette photo. Extrait d'une entrevue que Robert Capa accorde à la radio de NBC en 1947, on dit que c'est le seul enregistrement sonore qui existe de Robert Capa. It happened in Spain. It was very much at the beginning of my career as a photographer and very much at the beginning of the Spanish Civil War. It was there. Ça s'est passé en Espagne. C'était le début de ma carrière de photographe et le début de la guerre civile espagnole. J'étais en Andalousie pour couvrir la guerre et j'avais remarqué que plusieurs soldats mouraient en faisant de grands gestes. Un jour, j'ai accompagné une vingtaine de soldats républicains dans une de leurs tranchées où ils faisaient face à une mitrailleuse de l'armée de Franco. Les soldats ont tiré dans sa direction durant quelques minutes pour ensuite sortir de la tranchée en criant « Vamonos » et en fonçant vers la mitrailleuse. Malheureusement, celle-ci les abattait systématiquement. Stood up and said, Vamonos, get out from the trench and began to go after that machine gun. Sure enough, the machine gun opened up and moved them down. This thing repeated itself about three or four times, so the fourth time I just kind of put my camera. Au quatrième assaut des soldats républicains, j'ai soulevé ma caméra par-dessus ma tête et j'ai pris une photo sans regarder. Une fois les photos développées, trois mois plus tard, je suis devenu célèbre instantanément car cette photo montrait un homme en train de se faire tirer dessus. C'est probablement la meilleure photo que j'ai prise dans ma carrière. Just caught a man at the moment when he was shot. That was probably the best picture I ever took. Que montre cette fameuse photo, Vincent Lavoie, qui effectivement va faire de Robert Capa, il n'a que 23 ans à ce moment-là, une vedette internationale, un des grands photographes du monde, le plus grand photographe du monde, disait-on à l'époque. Qu'est-ce qu'elle montre, cette fameuse photo du soldat républicain? Pourquoi elle est si forte? Oh, elle est forte pour toutes sortes de raisons. Tout d'abord, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre un soldat républicain qui est frappé de plein fouet par une balle. Donc, l'homme apparaît seul dans un endroit qui est dégagé, apparemment sur le sommet d'une colline, les bras jetés en arrière, les genoux fléchis. Il s'agit, en fait, d'une image qui montre l'instant de l'impact. Ouais. Donc, c'est ce qui fait sa force et son exemplarité. C'est d'une certaine manière la fabuleuse concordance entre la prise de vie, c'est-à-dire le coup de feu, le tir, et la prise de vue, donc le déclenchement de l'obturateur, la production de l'image, cette simultanéité fantasmatique qui est extrêmement rare, qui va faire la singularité de cette image. Le moment où tout bascule. Exactement. Pour ce soldat-là. Exactement. Il tombe sous une balle. C'est ça. C'est ce qu'on dit que l'image représente. Ouais. Et c'est une image qui est devenue rapidement une icône, hein, c'est-à-dire une image qui symbolise le sacrifice républicain dans l'année qui a suivi. Ouais. C'est-à-dire qu'on l'a reproduit dans les magazines illustrés comme véritablement une espèce de monument visuel de ce qui se passe dans l'actualité. Et ça change tout pour Capa. Il devient instantanément un des grands noms de la photographie, encore une fois. Tout à fait, puisque dans les mois qui ont suivi sa publication, c'est-à-dire à l'automne 1936, le magazine illustré Regard va vraiment miser sur ses premières de couverture sur le nom de Capa, avec toutes sortes d'épithètes. Capa, notre photographe prodigieux, des photographies remarquables de Capa. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est-à-dire une marque. Oui, il y a une marque Capa. Il l'a inventée l'année même, d'ailleurs, comme on l'a dit un peu plus tôt, par son nom, par le nom qu'il a trouvé pour lui-même, son pseudonyme. Mais on veut dire que les médias utilisent le terme de Capa comme étant une espèce de gage de valeur. Ouais. Quand commence et qu'est-ce qu'on conteste en fait? Pourquoi cette photo-là, la photo du soldat républicain, devient l'objet de débat? Puis ça commence quand ces questions autour de cette photo-là? Alors, ce qui est très, très curieux, c'est que ça prend une quarantaine d'années avant qu'on commence à émettre des doutes sur l'authenticité de l'image. C'est un journaliste anglais qui écrit un ouvrage qui traite en fait des manipulations dont les lecteurs feraient l'objet de la part donc des médias. On est en pleine guerre du Vietnam, donc le rapport à l'information, la manipulation de l'information est très important. Il accorde quelques pages à la guerre, un chapitre pardon à la guerre d'Espagne, mais quelques pages seulement à cette photographie. Et c'est là que ça commence, puisque dans cet ouvrage, il va relater des témoins qui disent que Capa n'a pas réalisé une image au moment où il y avait des combats, mais que c'était des mises en scène orchestrées, qui plus est, par les troupes nationalistes de Franco. Donc, fabrication de propagande, en quelque sorte. Image de propagande, voilà. Ouais. Je rappelle que Capa avait besoin d'images choc, et donc on va estimer qu'il a profité de l'offre qu'on lui avait faite de photographier des manœuvres militaires. Ouais. Et quels sont, vous avez écrit un bouquin complet là-dessus, quels sont les éléments de preuve, entre guillemets, qui sont apportés pour faire, entre guillemets, aussi le procès de Capa? Ben, les premiers éléments de preuve, comme dans tout procès, ce sont des témoins qui sont appelés à la barre, donc des contemporains, des journalistes qui ont couvert la même guerre, la guerre d'Espagne, qui disent non, Capa n'était pas en Andalousie, il était plutôt dans le nord, donc en territoire franquiste. Donc voilà. Il y a également l'image, c'est-à-dire on la regarde, puis on n'arrive pas à déterminer où elle se trouve également. Le personnage qui est mort, on ne sait pas qui c'est, on n'a pas son nom. Donc, ce sont des éléments qui font en sorte... Donc, on ne voit pas son visage, on ne voit pas de traces de blessure. Donc, tout ça suffit à inculquer, à induire une espèce de doute que les défenseurs de Capa vont essayer de renverser complètement. Donc, en disant, par exemple, que Capa ne pouvait pas être en territoire nationaliste puisque ses convictions politiques auraient fait en sorte qu'il aurait été emprisonné, en tout cas arrêté. Première des choses, qu'on part des croisements visuels en regardant des images qui ont été réalisées dans la même période, on a déterminé que l'image avait été réalisée donc, dans une ville de Cerro Moriano où il y avait des combats. Il ne faut pas se surprendre qu'il n'y ait pas de nom associé à cette personne, puisqu'en pleine guerre, les nationalistes faisaient peu de cas des registres et des sépultures de leurs opposants. Mais est-ce qu'il y a, pour vous qui avez essayé de remonter à la source, est-ce qu'il y a eu ou pas une manipulation, mise en scène? L'hypothèse la plus probante vient en fait d'un chercheur catalan qui, en 2009, a établi en fait que l'image n'a pas été réalisée à Cerro Moriano, mais à une cinquantaine de kilomètres plus au sud, donc dans une région où il n'y avait pas de combat à ce moment-là. C'est l'hypothèse la plus plausible, la plus forte, qui montrerait effectivement que l'image a été effectivement réalisée là-bas. Ça, c'est incontestable. Et les historiens nous indiquent qu'il n'y avait pas de combat à ce moment-là. Ouais. En voyant, est-ce qu'il y a des montagnes, est-ce qu'il n'y a pas de montagnes? Exactement, des bâtiments et tout ça. Voilà. Autre objet de polémique, je le signalais au tout début de l'émission, ça nous amène à 2014. C'est à ce moment-là que naît une nouvelle controverse, cette fois autour des fameuses photos que Capa va faire lors du débarquement allié de 1944. Qu'est-ce qui pose problème cette fois-là? Vincent Lavoie. On vient de voir que la réputation de Capa a été sérieusement ébranlée par l'hypothèse de ce chercheur catalan dont je vous ai parlé. On va essayer de redorer le blason de Capa en 2014. C'est le 70e anniversaire du débarquement de Normandie. On connaît ces images qui sont très célèbres, dont ce défenseur vont essayer d'exploiter cette actualité. Alors, mal le remprit, puisque dès la diffusion des premières capsules qui font l'apologie de Capa et de ses fameuses 11 images, les Magnificent Eleven, il y a à ce moment-là des intellectuels, des journalistes, dont un lauréat d'un prix Pulitzer, qui vont mettre en doute non pas l'authenticité des images, mais le récit autour de ces images, un récit qu'on a entendu tout à l'heure, une centaine d'images réalisées, envoyées au bureau de londonien de Life, et qu'il y aurait eu un laborantin qui aurait malheureusement brûlé à peu près l'entièreté de ces images et en aurait conservé seulement 11. Or, ce qui était avéré ou ce qu'on essaie de démontrer, c'est que finalement, Capa aurait réalisé qu'une bonne petite douzaine d'images, oui, sans plus, parce qu'il aurait eu peur, qu'il serait retiré rapidement du lieu, qu'il n'ait pas débarqué lors de la première vague, mais de la troisième vague, un moment où c'est dans un angle est un peu moins périlleux. Donc c'est toute cette réputation, ce mythe de l'intrépidité du photographe de guerre qui est attaqué. Le grand photographe de guerre, voilà, qui a eu la trousse de sa vie. Exactement, qui est attaqué à ce moment-là. Ouais. Et ce qui est la beauté de la chose, c'est que Life entretient cette légende parce que Capa est cette vedette, cette marque qui profite à tout le monde. Absolument. Et on a l'impression, enfin, on peut comprendre. C'est-à-dire que, bon, d'Evennes, on a brûlé les images. Notre Capa a réalisé seulement 11 images. Il faut trouver une histoire pour justifier ça, autant auprès de la rédaction qui est à New York, et aussi pour essayer de sauver la réputation de Robert Capa. On peut très bien imaginer qu'ils ont concocté cette légende, et puis on se trouve un peu coincé avec celle-ci. Ouais. Au final, Vincent Lavoie, vous qui le connaissez par cœur, Robert Capa, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, quel regard vous portez sur ce photographe-là? Pour moi, je vois Capa comme un fantastique laboratoire pour essayer de comprendre des effets d'iconisation et de mythification des images et des carrières. C'est ça pour moi. C'est-à-dire tous les discours qui ont été constitués sur Capa, ce qu'on a dit de ses images, ce qu'on a dit de sa réputation, de sa manière de travailler, c'est un matériau extrêmement précieux et qui nous apprend vraiment beaucoup de choses sur les croyances qu'on peut avoir en l'image photographique. Mais ça reste un sacré photographe quand même, non? Ah oui, tout à fait. C'est un photographe qui est très puissant. Vincent Lavoie, professeur au département d'histoire de l'art de l'Université de Montréal, auteur du livre « L'affaire Capa, le procès d'une icône », merci infiniment. Je vous en prie. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Pierre Plante. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.